La délégation japonaise d'études de Kim Il-sung et Sung Kim-jong-il, en séjour en Corée, a offert une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un. Le chef de la délégation, Araki Sakae, l'a transmise le 28 à un cadre coréen intéressé.